C'est du Nougaro. Nougaro. Mais il faut corriger ma copie, elle est fausse. C'est 2 sur 2. Allez, on reprend. C'est bon ? Elle est bonne, ma partition ? Et tu veux la partition ? Elle est là. Eh, hey, c'est du 4, hein. C'est du 4. Lunette. La partition est bonne. Les grilles sont bonnes. Le chant est bon. Il n'y a que la musique. Il faut que ça suive. Bah oui, je suis toujours en train d'exagérer. J'exagère. Et saxo alto. Avec une grille pourrie. Un été, je venais d'atteindre mes 14 ans. J'avais donné rendez-vous à une enfant, une petite espagnole du quartier. Un été, par la fenêtre ouverte de la villa, je guettais l'arrivée de ma Paquita. Et puis, quant à la grille du jardinet, la cloche a carillonné. Je me suis soudain jeté à plat ventre, la joue clouée au plancher de ma chambre, tremblant, roulant des yeux épouvantés. Allez, go Max. j'attendis dans une terreur sans nom. On me mit en présence de l'été, et l'été, l'été là, debout au milieu de ma chambre. Sous la jupette jaune, Brucine et leurs légendes, et le blanc de ses yeux brillait comme du lait. Il fait chaud cet été. L'été était muet. Comme des rails parallèles, on allait à l'été. Nous marchions côte à côte sans nous parler. Les maisons avaient fermé tous leurs volets. Et parfois l'un de nos doigts se frôlait. Dans le ciel d'incendie, je me disais, qu'est-ce que le je lui dis? Je ne trouvais rien qu'à me trouver mal. Et quand nous fûmes au canal, jaune et du visage d'ambre. J'ai couru comme un forcené vers ma chambre, le cœur craquant des cendres de l'été. Changer. Il faut juste doubler.